sous la découverte sur Skyrock aux côtés des psychiatres de la rime. C'est Alonso Papé. Planète Rap. Let's go. Planète Rap exceptionnel sur Skyrock avec Alonso. Are you ready for this? En direct et pendant une heure complète. Skyrock. Planète Rap. C'est maintenant sur Skyrock. Eh oui, c'est maintenant la deuxième soirée avec Alonso. Aïe. Comment va? Très très bien. Toujours bien. Toujours au top du top. Toujours en pleine forme, toujours au top du top. Toujours au top du top album, donc on est bien. Eh ben écoute, avec cet album qui s'appelle Règlement de compte et que l'on découvre qui est sorti hier, hein, l'album. Exactement. Je dis ça pour les retardataires. Allez-y. Exactement. Allez-y tranquille cette semaine, vous prenez l'album d'Alonso. Voilà. Vous allez être bien. Et je pense. Tu penses aussi. Il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de boulot et ça se ressent. Ouais. Tout un travail en amont. Et avec d'ailleurs Spike Miller qui est là. Qui est toujours là. Qui est un peu ton binôme en fait. Je t'ai dit, c'est PDD. T'as vu le duo Biggie et Pidi? C'est ça. C'est ça. Et ben voilà, donc on a notre Pidi Diano, il est là, c'est Spike Miller. Voilà. En pleine forme, c'est le gang des Comoriens quand même. Donc pour saluer les Comores, nos amis Comoriens qui nous écoutent. Exactement. À Marseille, à la Courneuve, dans le nord de la France. Ouais, et même aux Comores. Il y en a beaucoup. Lyon, aux Comores, Rony, ceux qui nous écoutent Fumboni, aussi directement. Comoriens nouveaux. Vous avez tourné d'ailleurs aux Comores, il y a des images qui ont été faites aux Comores. Eh oui, putain, j'aime quand tu suis comme ça. Mais bien sûr. Il y a un clip qui s'appelle Tu vas parler. A été tourné aux Comores donc en décembre. Très fier, c'est le premier clip de rap tout simplement qui a été tourné dans notre pays. Donc voilà, on est parti, on n'avait pas de synopsis exact, on voulait un clip brut. Donc on est monté dans l'avion, voilà, on est arrivé aux Comores et on a filmé les ruelles, les Comores, Fumboni, mon village, à qui je fais une grosse dédicace. L'accueil était spectaculaire. Tu sais, à chaque fois que j'y vais, ils aiment bien me porter. me soulever. Des fois, je me dis, putain. Merde, putain. Faudrait pas que je me plante, quoi. Mais ils ont la technique. Ils ont la. Voilà. Et ben, d'ailleurs, c'était un truc de fou parce que dès qu'on est arrivé, les darons. Ouais. Les darons. Papé. Ils disaient même pas Alonso. Ouais, papé. Ah, c'était magnifique. Bon, ça doit être une belle fierté quand même, hein, parce que Diego Comore, tu y as été avec les psychiatres aussi, mais tu y vas pas non plus régulièrement parce que. C'est loin déjà. C'est très très loin. Tu sais, moi je suis issu d'une famille de 7 enfants. Donc déjà ma mère, pour venir en France, il a fallu qu'elle fasse venir ses enfants petit à petit, deux par deux. Moi je suis né en France. Et même pour aller en vacances, c'est très très loin. Voilà, donc on n'a pas cette chance là d'y aller toutes les années quand on est petit. Donc quand l'occasion se présente, on fonce. Il n'y a pas eu de concert encore là-bas. T'as pas... Psycha de la Rime en 2011. Psycha de la Rime, mais toi. Explosif, pas encore cette année. Peut-être cette année. C'est programmé, je crois, pour juillet, un truc comme ça. Eh ben, on suivra ça. Il y a d'autres dates qu'on vous filera ce soir aussi, puisque à Londres est en tournée à partir du 13 février avec la belle ville Le Zin Le Tour. Ah, ça, attention, ouais, si on n'annonce pas ça, Zino, il nous tape. Zino, il est derrière, là. Il est derrière. Voilà. Il s'est rapproché, il s'est dit bim. C'est ça, 13 février, ça commence à Nantes. On va passer un peu de partout dans la France, Pontoise, Colmar, Nancy, Perpignan, Montpellier, il y en a de partout, Lyon. On va passer aussi à la Cigale, 23 avril. Et on va finir en beauté au Dôme de Marseille. C'est le 6 juin. Et les places, on peut les trouver tout de suite. Je me tourne vers Zino, hein, on peut tout trouver. Oui, ça y est, là, partout. Déjà sur Fnac, Digiticket, Carrefour, partout. Zino, il a dit, tu peux même en acheter deux. Moi, je dirais trois, voire quatre. Voilà. Allez-y, vous avez passé un bon moment avec le concert d'avant. Allez faire gagner des places, de toute façon, en temps voulu. On vous filera des places pour aller voir Alonso. Cette tournée qui débute le 13 février. Avant de aussi débuter le Planète Rap, même s'il a commencé depuis quelques minutes, on va se rappeler ce qui s'est passé hier soir dans l'émission. Okay. C'est le replay d'hier soir. Écoute, c'était hier soir en direct sur Skyrock. Depuis 24h, il est là à Paris. Exactement. Mais il est aussi dans toute la France, puisque nous sommes un peu partout. Et on est content de te recevoir, puisque c'est l'album. Merci. C'est l'album numéro 1. On va parler un petit peu de la construction de cet album. Tu es venu avec quelqu'un qui a été important aussi autour de cet album. Le réalisateur, Spike Miller. T'es arrivé, tu m'as dit, moi, ça y est, je suis chaud, je veux cliquer d'entrée de jeu. Ouais. Allez, donc, hop, d'entrée de jeu. Voilà, je fais beaucoup de showcase, donc on va rentrer dans ce Planète Rap en mode showcase. Course poursuite, j'ai pris une cuite, nerveuse conduite, je me tue la santé. Je suis avec Meug, Kerim et Spike, j'envoie des rafales, je vais les faire ramper. Quartier Nord, combien t'es en or, la chaîne en or, la sacoche est élevée. Torse nu, je marche dans la rue, c'est pas que dans les clips, il fait 40 degrés. Ensorcelé, je rappe à folie, possession d'armes, je compte des gangsters. Casque intégral sur un cheval de fer, si nous fumer le shit, c'est presque alimentaire. Placement de produit, je parle pas de lunettes, je tamponne Alonso sur la plaquette. T-R-E-I-Z-E, j'ai un plan bleu, viens, on va parler à. C'était hier soir, en direct sur Skyrock. Quand tu regardes l'album, t'as été quand même très généreux, parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de morceaux extraits de l'album, hein. Ouais. Que t'as envoyé en amont. Ouais, parce jusqu'à ce week-end aussi, jusqu'à. Tu sais, le travail se fait avant. il se fait pas pendant ni après. Oui, il se fait pendant mais après, mais le plus important c'est avant. Tu vois, il faut faire venir les choses petit à petit, rentrer les gens dans ton univers, tu vois, et les mettre en confiance. Tu voulais des lovés à profusion. Tu voulais les femmes d'Afrique et d'Occident. Mais la la la la la, c'est la confusion. La la la la la, t'as fini dans son sac. Et sans Chanel Boy, sans petit, et sans Chanel Boy, sans bébé. C'est les planètes rap sur Skyrock. Gims ouais. Qui a répondu présent sur l'album. Exactement, comme ouais. Tant d'autres, comme beaucoup d'autres. Ouais. Attends, on peut dire que quand même les invités. On a entendu le morceau Même Tarif avec Booba. Exactement. Qui est arrivé il y a quelques mois de cela. Gims, il y a Gradure, il y a La Crime dessus. C'est ça. Houssen. C'est ça. RS4, pas de plaque. Magadji, c'est une Bagdad. Kalash ou le clic-clac. J'ai bu 4 packs. La belle ville zen. La belle ville zen. La belle ville zen. On a bu 12 packs. Planet Rap. On va reprendre les rênes, on va envoyer Carré VIP. Carré VIP. Exactement. Donc voilà, c'est une grande leçon de rap pour les rappeurs français, ce morceau. Sur vêtements ligue des champions Asics, tous dans le Carré VIP. Bijoux de famille, bracelets électroniques, tous dans le Carré VIP. Carré VIP. Marcher tranquille, ouais, ça n'existe plus. Ton meilleur ami n'était qu'un fils de pute. Demande à Malo, comment Recano. Ta meuf de le côté sur un pédalo. Même un mécano peut finir endetté. La crise! Tu seras endetté. T'as bien mangé, tu seras chépé. Petit frère peut te faire en GP. T'as les armes, on a les mêmes en mieux. Tu fais des sous, mais tu fais plein d'envieux. On aime le soleil, on ne craint pas la pluie. Dis la bien cassé, mais ne dors pas la nuit. Ouais! Ennemis. Je les aime trop, mes ennemis. Magnifiques sont mes ennemis. Let's go. Sky Rock, la netra. Jusqu'à 21h sur Skyrock. Voilà, c'était hier soir. Ce soir est une nouvelle soirée avec Alonso, notre invité, toute la semaine, avec Spike Miller aussi, entre 20 et 21. Puis cet album, surtout à découvrir. Album attendu. Règlement de compte. Un petit mot d'ailleurs sur Règlement de compte. Ouais. Le nom, il s'est fait naturellement, le titre de l'album. Ouais, il a deux significations. Il a un côté ego trip un peu. C'est de l'auto-motivation. C'est regardez, on va régler les comptes à tous ceux qui ne croyaient pas en nous. On est déterminés cette année. Et il y a aussi les événements qui se passent à Marseille. Ça fait 2-3 ans. Tu vois, ça ne me laisse pas indifférent. Donc on essaye d'être juste quand on parle de ces trucs-là. Bah, tu le dis aussi dans le morceau RDC d'ailleurs. Voilà. Ça fait surtout beaucoup de peine aux mamans, aux familles, aux proches. Voilà. On juge personne, tu vois, on n'est pas là pour juger. Oui. Et c'est juste qu'il faut être juste et tout simplement, c'est des choses qui me laissent pas indifférent. Donc on en parle avec beaucoup de précautions. Surtout les quartiers nord qui ont été aussi durement touchés, les quartiers marseillais d'où tu viens, les quartiers nord de Marseille. Et on a une pensée évidemment, voilà, à tous les proches, tous ceux qui ont perdu, évidemment sans juger personne, parce que chacun a sa vie, chacun choisit de quel côté il veut évoluer. Mm-hmm. Mais ça fait beaucoup de mal, ça fait beaucoup de dégâts et il y a beaucoup de mamans en particulier qui pleurent. Mm. Ouais, c'est petit Marseille, en fait, tu sais, c'est pas comme Paris, on est moins de 2 millions. Donc voilà, on se connaît tous plus ou moins de loin ou de près. Mm. Voilà. Et ben on a une pensée pour eux en tout cas. Et d'où le nom de ce morceau, d'où le nom de cet album aussi, Règlement de compte. Yes. Et je te disais, ouais, il s'est imposé assez naturellement ce titre. Ouais, je pense que le fil conducteur de cet album, parce que je t'ai dit, paradoxalement, il a un titre lourd, mais il y a énormément de morceaux pour faire la fête. Comme Il n'y a rien à faire, La belle vie, Dans son sac, En bombe. Et c'est un morceau qui, l'album, le fil conducteur, c'est Marseille. Donc c'est vrai que le titre s'est imposé très rapidement. Par rapport à la pochette, au monument, on s'est inspiré du monument. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de la pochette du visuel, voilà. Mais il y a un sacré visuel aussi. Hein. Ouais, on s'est inspiré du monument marseillais le plus connu après le stade Vélodrome, donc Notre-Dame. Voilà, et c'est une pochette aussi qui évoque beaucoup de choses. Il y a une belle métaphore avec la pochette. Ouais. Donc il faut se le procurer, ce putain d'album. L'album d'Alonso à découvrir toute la semaine entre RDC. 20 et 21. On débute avec un morceau qui s'appelle En bombe. Et vu qu'on est en bombe, on est au top du top album. Donc En bombe, hein, qu'est-ce que tu en penses? PDD. Exactement. Aïe. Surtout que le morceau il dit tout. Ouais, il dit tout. Voilà, il résume tout. C'est voilà, c'est. Allez, on le balance maintenant, le morceau. Comme si j'allais mourir, la rue m'a validé. Tes rappeurs préférés, voilà, je vais les aligner. Y'a pas de thème, que ta hagra gratuite. Tout le monde s'en bat les couilles de ton album normal qui est pas cuit. Allons-y, allons-y, rien que ça tweet. Tu cherches ta joint après le showcase, elle est dans ma suite. J'suis en bombe, qui va me stopper cette année? J'suis en bombe, continue de pédaler. Ramenez-moi le plat de concurrence, que je le graille. Ça manque de goût, rajoute la sauce rougaille. Ton mec fait du MMA, on s'en bat les reins. Car je sais où je vais, mais surtout tu sais d'où je viens. Quartier Nord, nos limites. Wesh gros, dis-moi pourquoi tu nous imites. Tu rentres chez nous avec un casque intégral. T'es suspect, lève-moi vite ça. Ils y croyaient pas, aujourd'hui je les rafale. Toujours sûr de moi, comme sous les mains au tribunal. Du lundi au samedi soir, je suis en bon, me pousse pas à faire une dinguerie. Je suis en bon, wesh ça dit quoi? Je suis en bon, bois tout chicha. Je suis en bon, elle a sorti les Kimi Chou, wow. Je suis en bon, trop speed, wow. Je suis en bon, dis-moi qu'est-ce que t'as. Je suis en Espagne, Loré Delmar. On aime les couleurs du pays, y'en Neymar. J'ai du buzz, oui je pèse, les jaloux se manifestent. Entre zins on prend tout, on vous laisse même pas les rêves. J'ai un bolide, ouais, dégâts solides, ouais. Je suis en roue libre, ouais, c'est la folie. Ma détermination fait peur de Mars à Paris. Combien va vendre à Londres la première semaine prend les paris. J'ai l'âge à ta mère, je suis encore en bombe. En âge de ton père, je serai toujours en bombe. On me dit qu'en futuriste, je leur fais du sale presque. J'en ai honte, tu interdis de les approcher à des kilomètres à la ronde, hein. Mes négros sont dans l'espace. Grosse glace, grosse tasse, vers ça. C'est la base. Le boutin sur la banquette, c'est la base. Ils y croyaient pas, aujourd'hui je les rafale. Toujours sûr de moi, comme sous les mains au tribunal. Du lundi au samedi soir, je suis en bon. Me pousse pas à faire une dinguerie. Je suis en bon. Wesh ça dit quoi? Je suis en bon. Bois ton chicha. Je suis en bon. Elle a sorti les Kimi Chou, wow. Je suis en bon. Trop speed, wow. Je suis en bon. Niki tous mes disalons, calme-toi, ne blesse pas. Tu vas un peu trop tard, il m'encaisse pas. T'es en bon. Merci Soulé. Soulé, tu en bombe, en bombe, tu en bombe. Les bombes, lui, tu en bombe, salon, tu en bombe, ouais, ouais, tu en bombe, mais en bombe papi, tu en bombe, en bombe, tu en bombe, en bombe, tu en bombe. Bon, on peut dire que c'est désormais un hymne, hein, ce morceau. Hein. Mais c'est ouais, bizarre. Les morceaux quand ils passent sur Skyrock, je sais pas, je les trouve encore mieux. C'est bizarre. Il y a quelque chose, non? Il y a un grain ça, spécial. C'est comme les grands cuisiniers. Tu peux pas. Ah voilà, ça sonne hit direct. Direct, c'est vrai, c'est vrai que quand ça passe sur Skyrock, ça sonne hit direct. Qu'il le passe, lui, il est en bombe. Il est en bombe, celui-ci. Tout se passe à jour. Ah, mais celui-ci, moi, je vois bien l'été, je suis en bombe. Ouais, il est frais, Tu y as pensé ça justement ou pas? Beaucoup au concert sur cet album, tu pensais beaucoup énormément aux prestations live, ouais. Ça c'est direct. Avec Psyka dans la rime, on est né sur la scène, donc on est obligé de faire attention aux morceaux qui figurent sur nos disques. Tu sais, on a beaucoup d'énergie sur scène. Donc si tu fais un album hyper calme, c'est très difficile, tu vois. Donc c'est sûr, ouais, on pense beaucoup à la scène et je pense que là on a de quoi, mais vraiment, vraiment, vraiment tout bombarder. Et d'ailleurs en même temps, c'est vrai que c'est le truc qui est emmerdant maintenant aussi avec ta carrière, c'est qu'en tournée pour choisir les morceaux, c'est la fou. Ça va commencer à devenir compliqué, quoi. C'est n'importe parce quoi. Parce que là, showcase, encore bon, tu mets en avant quelques titres, tu mets pas tout, mais concert, c'est quoi? C'est tenir près de 2 heures quand même sur scène? Ouais, entre 1h30, 2 heures, il faut naviguer là, entre tous les albums psychiatres. Mais bon, moi je pense que quand même ce disque-là, vu sa cohérence musicale, vu l'univers qu'on propose, je pense que quand même en concert, on va être à 80%. sur ce disque là. Sur RDC, ouais, on va quand même essayer de faire plaisir aux fans de la première heure, même si tu sais dans un concert tu peux pas faire plaisir à tout le monde, mais on va quand même donner des repères. Mais je pense que il a un très bel univers et on va surfer sur ce disque là. T'as commencé? Ça va être des séances de cardio. Ouais. Entraînez-vous, ouais, à partir du 13 février. T'as commencé les répètes ou pas sur la tournée? Tu sais déjà un petit peu le... Pas encore, mais vu qu'on est en showcase tous les week-ends, donc il y a des automatismes déjà. Avec, parce que c'est Spike aussi le DJ. C'est ce qui est. Et ouais, Spike. Et le mec est jusqu'au bout. Ah ouais, mais le mec, il vend les t-shirts après à la sortie du concert. Juste, on dort pas ensemble. Voilà, c'est la seule chose. Qui donc, sait, ça viendra. Non, c'est bon. Non, encore ça va. Et non mais voilà, retrouvez voilà. Spike aussi, il a le stand Spike à la sortie de concert. Avec devant les t-shirts. C'est une bonne idée ça, des t-shirts Spike. Attention, ouais, Spike arrive, il a un triangle, fan club. Ouais, oh putain, on bosse en triangle, ouais, ma gueule. Oui. Bon, Spike, on peut aussi rappeler évidemment le parcours de Spike qui est pareil. C'est incroyable, c'est aussi une belle réussite. Parce que c'est vrai qu'en France, on met pas souvent en avant les producteurs, les gens qui signent des hits, comme on disait. Mais Spike aussi, tu sais, ça fait presque autant de temps que moi qu'il est dans l'album. Et lui aussi, il est en mode dans le rap, excusez-moi. Mmh. Et lui aussi, il est en mode règlement de compte. Il a des choses à dire aux beatmakers, aux réalisateurs, ouais, à tout le monde, hein. Les éditeurs, voilà. Les DA, les malades, tout. Mes ex, je règle des comptes avec elle. Par les sons. Wow. T'imagines? Disque d'or, platine, ouais, t'inquiète pas. Mais qui a des petites sonorités. Mais des petites sonorités. Ah, pour rappeler à ses ex. Tu te souviens de ces sonorités que j'avais fait écouter? Ouais, je leur montre, je suis riche maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Waouh. Bravo, bah écoute, félicitations. Si vous avez besoin d'un prêt, n'hésitez pas à envoyer un message pour Spike. Il est généreux. Allez-y. C'est bien quand tu vas retourner aux Comores. Hein, plein de choses à construire au Comore. Ce Comore, c'est la folie. Waouh, oui, au Comore. Dès l'aéroport, tu me laisses ton survêt. Ouais. C'est le Planète Rap avec Alonso, avec Spike Miller qui était réalisateur sur l'album. T'as pas fait tous les sons, hein, quand même, aussi, Spike, sur l'album. Non, hein, t'as fait délégué. Tous les sons. Ouais, parce que voilà, on a une équipe avec surtout la boîte d'édition que j'ai avec Kamal. Osman and Miller, on a des compositeurs. Il y a Suleiman Beats qui a signé quelques prods. Il y a Black Stars qui a signé des prods aussi. Donc voilà, on a pas mal de compositeurs. Donc on était bien servi au niveau des prods. Bon voilà, moi j'étais là pour quadriller José Mourinho. Choisissez les joueurs. Ouais, c'est ça, il était un José. Voilà, après j'ai taffé quelques prods sur l'album. Tu veux dire 2-3 noms aussi des gens avec qui t'as bossé dessus? Ouais, j'ai cité. Après ouais. Abyss et Zaka 2054 qui sont de Marseille. Aïe. Ils sont proches de nous, donc ils ramenaient aussi des prods. Là, c'était vraiment ceux qui servaient le plus. Sont ceux qui en ont le plus dans l'album, parce que voilà, on était aussi très productifs, donc les compositeurs, il fallait nous suivre. Donc voilà, C'est vrai qu'il y a un vrai rapport, hein, on le disait hier, avec le foot, hein. Mais tu as vu, je n'ai pas parlé encore ni de l'OM, ni de Paris. C'est-à-dire un rapport avec le foot? Non, non, mais quand on parlait des sélectionneurs dans l'équipe de foot, ouais, hier, mais, voilà. Mais c'est ça. C'est vrai qu'il y a un rapport, un peu footeux. La Paris sélectionnait les meilleurs beats, pour l'album. Le disque de la 1 à la 15, pour nous, c'est notre 4-4-2. Ah ouais, c'était la composition. Ouais, ouais. Au début, il était là, il me voyait avec mon ordi. Je classais, ok, 1, 2, ouais. Ok, qu'on l'a. Il me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je dis, t'inquiète pas, c'est la composition. Bon, comme je disais, on n'a pas parlé foot encore à Londres. J'ai été tranquille, mais c'est la deuxième soirée. Ouais, cool, ça va tu venir. Tu veux pas qu'on passe un morceau? Ça va si, venir. On va mettre un morceau. On met quel morceau? Il y a un morceau qui a été beaucoup demandé hier. Ouais. Qu'on a merci, mis le merci, ouais. Yeah, hier, on a mis merci, il a été beaucoup demandé. Avec la crime, ouais. Je sais qu'il y a des gens. Ouais, ouais. Mais je sais qu'il y a des gens qui attendent aussi Brinks avec Gradure qui est très énervé. Et bon, on pourra le passer après. Il y a après. Le morceau aussi avec Booba, même Tarif. Il y en a plein. Hein. Il y en a plein. Ludou Sain aussi. On a toute la semaine. Donc c'est je pense on a du temps en plus ce soir. Voilà. On va mettre beaucoup de morceaux de l'album ce soir. Exactement. Ben, tu sais quoi, on va remettre merci, je pense. Merci avec la crime maintenant sur Skyrock. C'est extrait de l'album Règlement de compte. Chez nous les guéris laissent les cheveux longs comme en série. On s'en bat les couilles, on fait des sous, augmente la TVA. Tu t'approches du trou, je me rapproche de la Bugatti. T'as la corde au cou pendant que je fournis que toute la nuit. J'ai du rap, j'ai de la drogue, je sais plus quoi dealer. Je n'attendrai pas que la nuit tombe pour venir t'allumer. Millions d'euros, valent un million d'ennemis. Pas demander à Maître Gim si il dormait la nuit. Ennemis, je les aime trop mes ennemis. Magnifiques sont mes ennemis. Je remercie mes ennemis. Ennemi, ennemi, je remercie mes ennemis. Si t'as peur des michetos, c'est que tu n'as pas assez de billes. Je ne compte pas quand il s'agit des potentiels amis. Tu me portes l'œil pendant que je porte du Givenchy. Mets-toi la corde au cou si tu peux pas supporter ma vie. Écoute, tu twerks, écoute, tu cries. J'ai vu quoi tweeter. Je suis dans la concurrence que ce matin je me suis mal réveillé. 2 millions de disques valent 2 millions d'ennemis. Va demander. Si il dort bien la nuit. Ennemi, je les aime trop mes ennemis. Magnifiques sont mes ennemis. Je remercie mes ennemis. Ennemi, ennemi, ennemi. Je remercie mes ennemis. Ennemis, ennemis, ennemis. Celui-là faut le faire. Kalash, pas peur de l'enfer. Plaqué 13, paquet 13. Vivre ici, un paquet de stress. Marcher tranquille, ouais, ça n'existe plus. Ton meilleur ami n'était qu'un fils de pute. Demande à Malo, comment récalo. Ta meuf de le goûter sur un pédalo. Même un mécano peut finir endetté. Ta pigeon est virée, tu seras l'été. T'as bien mangé, tu seras chépé. Petit frère peut te faire en GP. T'as les âmes dans les mêmes vagues. Tu fais des sous mais tu fais plein d'envieux. On aime le soleil, on ne craint pas la pluie. Dis la bec à Simon, ne tarde pas la nuit. Ennemi, je les aime trop mes ennemis. Magnifiques sont mes ennemis. Je remercie mes ennemis. Ennemi, ennemi, ennemi, ennemi. Ennemi, ennemi, ennemi, ennemi, ennemi, ennemi, ennemi. Je remercie mes ennemis. Ennemi, ennemi, ennemi. Maître de la tech et de la cale. Aïe. On vous remercie tous. Des millions de bisous. Aïe. Landau. Vrai. Jupiter, mamé. La crime. 9 côtes. 1-3. Ah, frère. Frère, frère, frère, frère. C'est extrait de Règlement de compte, l'album d'Alonso qu'on découvre cette semaine, l'album numéro 1. Il est là toute la semaine entre 20 et 21 avec ce morceau. Merci. King, moi. Aux côtés de La Crime sur Skyrock. On va revenir dans quelques minutes. Alonso, on mettra d'autres titres aussi ce soir. Ouais, on va mettre plein de. Il est dans les pas qu'on peut tout mettre. On peut y aller. Demandez-nous, on est là, on peut y aller. Voilà, on est généreux. Généreux avec quoi par exemple dans quelques minutes? On en parlait tout à l'heure, on disait. Gradure, morceau avec quoi tu vas gradure. Parler. Tu vas parler, les gradure, c'est comment hein c'est, yeah, c'est, allez, c'est... pile ou face. Tiens, j'ai pas de pièces, j'ai que des billets. Ah merde, comment c'est fait. Ah, c'est embêtant, c'est embêtant. Et des cartes. C'est bleu. Embêtant, voilà, c'est y a waouh, waouh, waouh, waouh. Bon, bougez pas, c'est quoi, on va réfléchir pendant la pub, on va décider, on va lever la main, on va voter, comme dans toute bonne démocratie. Bougez pas dans un instant sur Skyrock, le retour d'Alonso avec vous aussi au freestyle. Je rappelle que chaque freestyler repart avec la chicha électronique quand même. Tu es venu avec un joli cadeau. Ouais, c'est et ça. Et pas une petite chicha. Hein. Voilà, chicha électronique, c'est les poteaux qui font ça. Donc voilà, vous pouvez la remporter, appeler. On et est venez rapper dans l'émission, c'est dans un instant. Ne bougez pas. C'est sur Skyrock, le retour d'Alonso. Ladies and gentlemen. Ce soir, Skyrock reçoit Alonso Pape. Pour une heure d'exclus et de total direct, c'est maintenant Skyrock. C'est le Planète Rap avec Alonso toute la semaine entre 20h et 21h. Ah. Alonso, avant de partir en tournée, ça approche mine de rien le 13 février. C'est ça. Attends, c'est rapide. C'est bientôt. On est prêt de toute façon. C'est 3 semaines. Grosso modo, tu es à Nantes, il y aura Pontoise, Neuchâtel, Colmar, Nancy, Perpignan, Montpellier, Savigny-le-Temple, Sénon à côté de Bordeaux, ouais. Lyon. La Cigale le 23 avril à Paris. C'est ça. Il y aura le printemps de Bourges aussi, tu iras. Toulouse, il y aura le festival Incourt à Incourt. Ouais. Lille, le Dôme. Le Dôme. Ah, le voilà. Dôme. C'est le 6 juin. Exactement. 6 juin, autre fête nationale. Hein, autre fête nationale juin. Après le 26 janvier. Deux jours fériés dans l'année. Voilà. C'est plaisir. Hein, décrété par Alonze. Voilà, décrété par Alonze. Et là, on va balancer un morceau tout de suite avec un garçon qui s'appelle Gradure. Bon, qui vient à l'opposé de Marseille. Exactement. Tu sais, c'est la province. La province est à l'honneur ces derniers temps. Toi, tu l'as découvert comment, Gradure, en fait? Je l'ai découvert comme beaucoup de gens sur Internet. Internet avec ses freestyles chez Gay. Je crois qu'il en a sorti beaucoup, même. Ouais, 9, 12. Ouais, 10, 11, 12, ouais. Ouais. Donc voilà, pareil, j'ai été surpris par sa puissance, par son originalité. Il avait quelque chose à prouver, à proposer. Donc je l'ai appelé, ça s'est fait naturellement. Il est venu, on a même fait un match aller-retour. C'est-à-dire que je suis même sur son disque. L'homme au bob qui sortira le 23 février. Le 23, grosse dédicace à mon Chégué Gradure. On se connaissait pas avant. Un très très très bon gars. Ouais. Et donc bonne vibe, son équipe aussi. Très bonne vibe. C'est vrai que ils viennent à 600 en studio. C'est quoi, c'est la foule. Ah, le Chégué Squad, ils sont nombreux. Moi, je les ai reçus dans le studio ici. Il y a du monde jusqu'en bas. Voilà. Mais c'est des bons gars. C'est des bons gars. Et d'ailleurs, j'espère qu'on va le voir cette semaine. Bah, qui sait. Ouais. Qui sait, il est le bienvenu en tout cas. Surprise. On annonce même pas le jour. Ouais, on va rien dire parce que sinon, c'est. Voilà. Avec toi en plus en bas, avec le monde en bas, plus le monde de Gradure. Voilà. On va avoir des soucis avec le voisinage, les gars. Je vous remercie pour le bordel. Mm-hmm. Bon, on écoute ce morceau qui s'appelle Brinks. Explosif. Allez, c'est parti. Explosif. Règlement de compte est dans les bacs depuis Attention. Hier. Attention. 5, 9, 1, 3. Vrai. Roubaix. Marseille. Tu sais pourquoi on veut des sous, tu sais pourquoi on veut des sous, tu sais pourquoi on veut des sous, comme tu sais pourquoi il pleut des douilles, tu sais pourquoi on veut des sous, tu sais pourquoi on veut des sous, tu sais pourquoi on veut des sous, comme tu sais pourquoi je chauffe ton bouche. J'ai bourré cette cochonne, je me suis barré, vu et de l'acheter comme le port salut. Le futur de ton rap français, il est devant toi, il est fier. Salut. J'ai 23 piges, roule en grand gamme sur la route du 13 avec poteau. Allons. Je suis trop hoche, qui ton côté gauche, yeah. Frappe dedans comme Robert Ocarlo. Tu sais pourquoi on veut des sous, alors fils de pute, augmente mon cachet. Ne me force pas à arrêter le rap avant d'être ton fils la mort en sachet. J'ai des putains de douilles dans le putain de chargeur. J't'allume ta mère, j't'allume ta soeur. Comme c'est du shit, il a pas payé. J'ai vu sa mère pleurer devant le pasteur. Oh ouais, t'es dead, sale fils de pute, t'as voulu rock. Si tu me vois des sous, j'y arrête, chercher comme la frappe du rock. Ma Pompé Chégué, moi qui fais la street. Secteur capital de la paix, meilleur tarot. T'as pas aussi vite que les gars en chaos. Demande pas pourquoi mes refs sont pas. Faites aux douaniers, aux inspecteurs. Accélère le moteur de ton putain bimeur. Nord, sud, est, ouest. Il pleut des douilles, pire qu'à Bucarest. Le nerf de la guerre, j'ai caissé les sourds. La fierté, ça coûte dur, demande-moi si sourd. Fais-y mitrailleur pour venger ton honneur. Comme un Marseille, on t'allume, c'était d'ailleurs. Tu sais pourquoi on veut des sous. Mappé. Tu sais pourquoi on veut des sous. Tu sais pourquoi on veut des sous. Comme tu sais pourquoi il pleut des douilles. Tu sais pourquoi on veut des sous. Tu sais pourquoi on veut des sous. Tu sais pourquoi on veut des sous. Comme tu sais pourquoi je chauffe ton boule. Vas-y les gros, fais péter le camion bus. Ouais, rebelle, pète le camion bus. Pense qu'il y a à prendre ce pays. Merde, on va pas se prendre dans tes muscles. Ouais, rebelle, faut ramasser. Le rap français, faut terrasser. 1 million, 2 millions, plus de muselas, y'en a pas assez. Voilà, je tire cache dans la foule. Ta mère la pute, lui qui vient se mêler. Je fais la sieste avec la cagoule. Pour m'endormir, je compte les violer. Quartier Nord, c'est plus chaud que la mairie. Autant de shit que le pays a gueulé. Je compose plus de numéros des gros. Que de numéros de fou. Marche au creux. De 80 autour du soleil. Sans ouvreuse. J'ai dit à ma mère que je revenais, donc nique le barrage à la sulfate. On est ensemble, ça dépend pourquoi. Transaction, prise de pouvoir. La passeuse revient de Kinshasa, Charles de Gaulle. Boubou, terminal 1. Tu sais pourquoi on fait des sous. Tu sais pourquoi elles aiment les you. On nique l'argent, distribue des bêches. Je choquais, y'a pas d'art dans la foule. Tu le dirais avant que le soleil se lève. Tes rappeurs cheminent au fond la grève. On fait du sale quand tout est nickel. Ta haine, on allume les triplexels. Je me demande si ça va en vrai. Je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Pour regarder sous, mais avant ça, viens, on boit un coup. Viens, on boit un coup. Ah, tu allons, c'est de la friture. 2G, 0, 9, pur. 2G. Sur la scène, tu sais pourquoi on veut des sous. Tu sais pourquoi on veut des sous. Tu sais pourquoi on veut des sous. M'en tu sais pourquoi il pleut des douilles. Tu sais pourquoi on veut des sous. Tu sais pourquoi on veut des sous. Tu sais pourquoi on veut des sous. Comme tu sais pourquoi je chauffe ton boule. Vas-y les gros, fais péter le camion Brix. Ouais, fais péter le camion Brix. Pense Capo de Capi, gradure. Brinks, RDC, un king, mamé. Brinks, c'est le nom de ce morceau avec Alonso. On retrouve gradure le match aller avant le match retour, puisqu'il y aura donc. Il y a un match retour un match aussi retour. Sur son album qui sort. Donner le nom du morceau ou... 23 février. Le morceau il s'appelle Je donne ça. Je donne ça, donc on découvrira ça dans L'Homme au Bob. L'Homme au Bob. Le 23 février. L'Homme au Bob, il arrive bientôt. Salut donc Gradure et toute son équipe du Chege Squad. C'est ça. Sacrée équipe en tout cas, ouais. Ouais. J'ai bien vous marier en studio aussi. C'est la folie, c'est la folie. On danse, on saute de partout. C'est... En plus, quand on fait des titres comme ça, imagine-toi. On est 40, c'est n'importe quoi. Ouais, c'est des bons moments le studio sur cet album justement. C'est... Ouais. Ça se ressent d'ailleurs quand t'écoutes les morceaux. C'est ce que je préfère, moi, le studio et l'aboutissement sur scène. Sur scène, ouais. C'est les moments où je me régale le plus, tu sais, quand tu es en train de produire un titre, et en plus, surtout quand il sent bon, tu vois, tu sais, maintenant tu vois quand tu pars bien ou quand tu sais que ça va finir à la corbeille. Donc voilà, quand tu fais des titres qui sentent bon, tu es content. Tu as ouais. hâte de terminer, tu as hâte de faire écouter ça aux gens. Si on s'écoute avec Spike Miller, on envoyait des morceaux tous les week-ends. Ouais, il y a un aperçu de ce qui se passe en studio sur ouais. la vidéo de à la Daft Punk. C'est vrai, ouais. Ouais. Là, donc voilà, pour vivre un peu l'ambiance studio. Voilà. Exactement. Ouais. Allez cliquer les matés, ouais. Voilà. À la Daft Punk. Alonso avec nous, avec la voix que vous entendez, c'est celle de monsieur le réalisateur, monsieur le producteur, monsieur le. Spike Miller. Le PDD. AKA PDD. Le PDD des Comores. Exactement. Avec nous. Voilà. Ah, il Comore à nouveau. On balancera un autre morceau dans un instant. Je vous laisse réfléchir au titre qu'on balance. Mais juste avant, c'est l'heure du freestyle par téléphone avec Marocco de Valence. Salut Marocco. Salut Fred, ça va ou quoi? Bah et toi, bienvenue dans le Planète Rap d'Alonso. Ah si si, papé. Oui, ça va? Ça va ou quoi? Tu vas bien, cool. Attention Marocco, petite question. Est-ce que tu as l'album Règlement de Compte? Règlement de Compte, non, pas encore. Ouais, il te reste encore du temps, un peu de temps, tu vas le prendre. C'est le règlement de compte du rap français, frérot. Parce que là, c'est lourd. Tu as apprécié pour l'instant ouais, les morceaux que t'as écoutés et tout au Marocco? Ouais, franchement, j'ai kiffé. Il y a eu aussi le morceau avec Booba, je trouve, à Londres, il a été trop lourd dessus. C'est ah, de merci. Le même tarif. On va le balancer. Peut-être qu'on peut le mettre après, justement. Ouais, on va le balancer. On va en parler dans un instant. Marocco, merci. Toi, tu viens rapper, tu repars avec cette semaine avec une chicha électronique rapportée par Alonso. Tu fais plaisir. Ah, ça fait trop plaisir. Tu vas voir la défense en fait. Ouais, ouais, défense. Le truc, c'est un truc, c'est esthétique, c'est quoi, c'est pratique. En plus, tu n'as plus besoin de te salir les mains avec le charbon, les mains rouges et tout. De s'empoisonner, même à la maison, si tout est fermé, parce que parfois, tu as des gens avec le monoxyde qui se dégage. Faut vraiment que ce soit bien aéré là. C'est vrai. Aucun problème. C'est vrai. Vous mettez même l'endroit le plus hermétique possible, vous avez la chicha. Exactement. Ah bah nickel ça. Ah bah c'est pour toi. On t'écoute rapper. Ah bah merci, voilà. Allez Marocco, déchire le freestyle par téléphone, c'est parti. Yeah, ça en fait. Rolons ton black blanc beurre. Yeah. Je démarre calmement. Troisième trait, on recommence. Putain, c'est question, puis le étonnant. Non, mais il a pas de flow, il est juste trop lent. Arrêtez vos critiques, rappez news, collez dans mes corps depuis l'époque du Benny Building. Je rappe pour toutes les minorités visibles. Ceux qui devant l'état sont invisibles. Je fais partie de ces rappeurs qui foquent les médias. Au lendemain de des Londres et dans l'immédiat. L'état nous manipule depuis nos premiers plans. Nos garantes s'affolent, les six puis nos traces. De 0 à 5, les dés sont pipés. Pas de poupon, la population, qu'on n'est pas en 6-7. Une époque de merde, où sont les hippies? Mes phrases et mes phrases venues pour ta scène, mais voyez les consignes, te laisse au tapis. Le rap est à la mode, l'attrape se maquille. Sur la mer, tu pars, ça tape à l'usine. Des grammes, des stocks de résine. Le gosse canalise. Le temps est ratine. Chacune de mes fans, il a mis sans fil. Qui dépend mon étoile, négro, je suis tranquille. Ainsi va la vie, ainsi va le vide. J'élimine la politique, mais kill. Je viens te ramener ta douceur. Marron que c'est Wam dans les pises, mon sieur. Yeah! Et voilà. Et bah ouais. En acapella. Acapella en plus. Ça, c'est l'assurance. Tu sais, il y a des fois, les prods, ça aide beaucoup les rappeurs. Mmh. Quand la prod, elle est bien, ça aide beaucoup les rappeurs. Mais quand tu décides de partir en acapella, c'est que tu es sûr de toi. Bravo. Et bah bravo merci, à toi, Marocco. Tu mérites largement cette chicha électronique pour te détendre. Ouais. C'est pour toi. si. Bah, je voulais passer aussi une grosse dédicace à l'unité 12, équipe B. Courage à vous, c'est bientôt fini, les gars. Dédicace aussi à Ouzou, Billy, Adji, Benzo, Watos, Prince, tous ceux qui soutiennent, et ma page Facebook, Marocco 26, de Sigal Freestyle, que je viens de faire avec l'instru et continue à le faire tourner, ça fait plaisir. Yes. Eh ben ça roule, merci à toi Marocco. Porte-toi bien. Eh ben merci à vous. Passe une bonne soirée sur Skyrock, c'est le Planète Rap avec Alonso. Alors qu'est-ce qu'on fait? On met le même tarif? on va mettre le même tarif. C'est le même tarif pour tout le monde cette année. Et l'album, il est sorti, mais tous les mois, je vais encore balancer des morceaux. Donc voilà. Des quoi, inédits Ouais, on va balancer des morceaux tous les mois. Tous les mois. Voilà. Ah, à chaque sortie d'album, on balance un morceau. Quoi, pour l'année 2015, il y aura. Ouais, c'est ça. Ou pendant la tournée aussi? Tous les mois, ça va commencer en février, mars, avril, mai, juin, voilà. Je te prends au mot. Ben ok, d'accord. Allez. Okay. Aïe, bon, on va écouter ce un petit mot quand même sur Booba. Ouais. Parce que c'est vrai qu'il est beaucoup demandé, il fait pas non plus 50 000 featuring. Yes. C'est parti de quoi le featuring avec Booba? C'est toi qui le voulais absolument? Ben c'est parti de... Il m'a invité sur un clip à lui. Mmh. Je crois que c'est en 2012, Kalash. Voilà, j'ai fait une apparition, c'était un big up, il parlait de Marseille sur le refrain, donc il m'a invité. Et le courant, il est bien passé, on a gardé contact. Voilà, on s'est dit qu'un jour on allait faire un titre, on allait exploser ça. L'occasion s'est présentée, on a fait ça salement propre. Et voilà, il y a des très belles répercussions sur scène parce que le morceau il est explosif et voilà, je suis content qu'il a participé sur ce disque parce que c'est un grand monsieur, faut le dire. Ah bah ça évidemment, moi j'ai un peu moins de contacts ces derniers temps. mais c'est évident et ça empêche rien et puis voilà, et puis c'est aussi une locomotive pour le rap français, il fait partie des légendes, tout comme Laura Luciano. Exactement. Tout comme Lino, tout comme Ali, tu vois, c'est des gens, ils sont plus grands que moi. Ils sont plus grands que moi, tu sais, c'est pas ma génération. Et puis ils sont toujours là, il faut quand même le signaler. Et il a traversé le temps et c'est fort. Donc chapeau à lui. Voilà, il est toujours là. Il y aura un match retour aussi sur l'album qu'il prépare ou rien n'est fait? Je sais pas, j'ai pas entendu ta question. Ça veut dire qu'il y aura un match retour. Non, je sais pas. Je sais pas. Non, mais je sais qu'avec Booba, faut rien dire. Tout se passe dans la confidentialité. Il aime pas trop quand on parle. Même avec Psychiatre, qu'il faut rien dire. Rappelle-toi, dans les précédents Planète Rap, tu as dévoilé Nate Dogg. C'est vrai que j'avais fait une grosse connerie. J'avais fait des... C'est pour ça que maintenant, vous venez la semaine où c'est sorti. Voilà. Tu as tout compris. Je peux tout dire, quoi. Voilà. je peux tout dire. Exactement. Donc, pour l'instant, voilà. Il y a déjà un morceau qui existe. C'est même tarif. Ouais, il est explosif. C'est même tarif. On va se l'écouter. Allez, on le balance maintenant. C'est extrait de l'album Règlement de compte. Avec Basel, oui, tout ce grand échafaudage que vous appelez la Tour Eiffel, voiture voilée en Italie, oui. Il y aura nos plus purées, oui. Et avant de fusiller, laisse-moi finir mes fusils. Raquette, braquage, vol, prison, règle, c'est le même tarif. Comor, Marseille, Paname, Sénégal, c'est le même tarif. Client, grossiste, balance, nourrice, poisson, c'est le même tarif. Rappeur, rappeuse, tu pars, tu clash, c'est le même tarif, c'est le même tarif, c'est le même tarif, c'est le même tarif, c'est le même tarif. Renouvelle ma RS. Bientôt mes sacs poubelles seront des Hermès. T'as pas dosé, l'air de te faire yesh. J'ai l'arme chimique avec la cervelle d'un c'est RS. J'suis dans un 12 étoiles à Marrakech. J'suis cargo chinois, t'es canard pêche. J'suis dans les hautes herbes des hautes sphères. Rendez-vous dans quelques mètres, j'suis 20 ou 30 caisses. Ah ouais? Ils veulent mon trône. Ah non, n'empêche. Sa mère être une école, paye-moi en espèces. Ils veulent mon trône. Ah non, n'empêche. Leur faire un cul en hexagone, Sénégal, côte ouest. Braquette, braquage, vol, prison, règle, c'est le même tarif. Comor, Marseille, Paname, Sénégal, c'est le même tarif. Client, grossiste, balance, nourrice, poète, c'est le même tarif. Comment rien nouveau, mamé. C'est le même tarif. C'est le même tarif, c'est le même tarif. Tu as pris sur eBay. Tu m'en fous de vendre le but et de une atrocité. Tu fais le potago, c'est une calamité. Ne commence pas une guerre si t'es pas sûr de la gagner. Comme tout avec Goon, c'est une kerba qui te fera tomber. Pour t'oublier, attache-moi ces coups de fil. L'attachement c'est pour les fragiles. Prison, crée, c'est le même tarif. Comment Marseille, Paname, Sénégal, c'est le même tarif. Client, grossiste, balance, nourrice, ouais, c'est le même tarif. Rappeur, rappeuse, tu pop, tu clash, c'est le même tarif, c'est le même tarif. C'est le même tarif, c'est le même tarif, c'est le même tarif, c'est le même tarif, c'est le même tarif, c'est le même tarif, c'est le même tarif. Même tarif pour tout le monde, mané. RDC, c'est le règlement de compte du rap français. C'est dans les bras. Même tarif à l'instant avec Booba sur Skyrock, morceau avec Alonso. Il y a les mecs de mon quartier qui sont J'entends, on peut les saluer d'ailleurs. Ils font des bas, ils sont tous là, ils sont derrière. Ils sont furieux. Ils sont fous. On a un aperçu des concerts là. Voilà. Ils sont en bombe. En showcase, ils sont tous avec moi sur scène. Voilà, ils sont tous avec moi. D'emmène toute l'équipe. Avec Malik Largent qui distribue des beiges. Voilà. C'est une sacrée équipe à aller voir donc en concert. Un petit mot quand même juste pour finir sur ce morceau. C'est un morceau que vous avez fait à distance avec Booba. Ouais, tu sais, on a des plannings hyper chargés. Et puis lui à Miami, c'est pas non plus le truc le plus simple. Voilà, on l'a fait à distance, mais voilà, on s'est eu au téléphone. Donc juste ta réaction quand t'as écouté ce qu'il a posé, toi, quand t'as appuyé sur play. Et... Super propre. C'est vrai. Super propre. Voilà, il maîtrise bien ce style-là avec l'autotune. Moi, j'aime beaucoup, il y a des punchlines, tu vois. Et voilà, les couplets sont différents. Et c'est ce qui fait la magie du morceau. Du morceau, ouais. Voilà. Donc t'étais content quand t'as reçu justement le fichier avec la façon dont il a posé aussi. Tous mes feats, que ce soit Gradure, que ce soit Lacrime, que ce soit Maître Gims ou Sein qu'on va présenter tout simplement, d'ailleurs. Voilà. Cette semaine. Tous ils ont fait le taf. Sinon ils seraient pas sur mon disque. Tu les as tous faits par distance, non? Ou bah non, pour Gradure, pour le coup, vous étiez en studio ensemble. Gradure, on était ensemble. C'est un peu plus simple aussi, ouais. Ou Sein, on était ensemble. Il y a Gims, on était ensemble. Lacrime, on l'a fait à distance aussi, pareil, parce que son album sortait. Voilà, il était à droite, à gauche, concert, clip. Voilà, donc on l'a fait à distance aussi. C'est de bien aussi, même pour toi, c'est des belles surprises quand tu reçois les morceaux. C'est quoi. Ça, c'est ça, c'est un truc de fou. Toi, tu te dis, putain, comment il va poser? Ouais, comment il va poser faire, t'as une attente forcément de. Et bien sûr, mais j'ai confiance. Tu sais, s'ils sont sur mon disque, c'est que j'estime qu'ils sont bons. Et bon, on continuera à découvrir ça toute la semaine avant de se quitter, avant de faire tourner la roulette. Oh, ça va, on a encore un petit peu de temps. Ouais. Avant de retrouver aussi la radio libre de Difool, on va mettre un autre titre. Ouais. Règlement de compte. Comment? Ah, bon. Maître Miller. Écouté. Ouais, non, mais vu qu'on était que dans la bombe. Ah ouais, tu vas parler. Tu veux pas qu'on calme un peu? Ouais. Marseille. Voilà, Marseille. Ouais. Allez, bien, on va. Morceau qui s'appelle Marseille. Morceau qui s'appelle Marseille, qui fait partie de mes préférés aussi. Ah, hier, tu nous as dit c'est RDC le problème. C'est RDC. Et lui, je dis qui fait partie de mes préférés. Mais mon chouchou numéro 1. Qui est dans le top 15 des titres. non, quand même, il est dans le top 5, je crois. Celui-là, Marseille. Marseille est dans le top 5. Un petit mot alors sur Marseille. Mot sur Marseille, comment il est né? Il fait partie des morceaux les plus vieux, je crois. Ouais. Avec Il le fallait. Voilà, on a écouté la prod de Abyss One et Zaka 2054. On s'est dit, wesh, ça ressemble à un classique. Ouais, ça sonnait très classique. Donc, on a trouvé le refrain très rapidement, ouais, en rigolant, comme la plupart des morceaux. Même quand c'est sérieux, des fois, je te jure. Et puis après, voilà, il est parti avec ce yaourt chez lui. Il a écrit le texte. Je me rappelle, j'étais à Paris, il m'a appelé, il m'a dit, j'ai écrit un couplet, il me l'a rappelé au téléphone. J'ai dit waouh, là j'ai l'impression de je sais pas qui, voilà, je sais pas, voyager dans les ruelles de Marseille. Ouais, voilà, c'est ça. Voir les dodanes, tout ça. Criminel à l'âge de Titeuf. Hein, toi justement sur l'écriture, t'as besoin d'être plutôt en studio ou à la maison? Ça dépend. 80%, 70% de ce disque il s'est fait en studio spontanément. Comme je te dis, avec Spike. Même il y avait beaucoup les mecs de mon quartier qui m'entouraient, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a des morceaux où j'ai besoin de me retrouver seul un peu. Comme quand je délivre un peu de messages, j'ai besoin de voilà, de faire parler les gens qu'il y a dans ma tête. Ils sont nombreux. Il y a une sacrée équipe. Il y a une sacrée équipe dans ma tête, attention. Donc voilà, ce morceau, j'avais besoin d'être à la maison, me retrouver moi et moi, pour exprimer mon ressenti sur Marseille, sur ma ville. Et bon, l'écoute maintenant, c'est extrait de l'album Règlement de compte. Classique. numéro 1-3-0-1-5, quartier Nord Zinc, lieu peu fréquentable pour les fans de reportage, croix. Criminel à l'âge de Titeuf, future mère à l'âge de Dora, et déjà ça provoque les keufs. Tu vois, rien de cinématographique, beaucoup prend au Saint-Coran, malgré l'ambiance électrique. Clic, clic, c'est le chant du coq marseillais, levé au casse-bélier. Ça sent le mort, ça sent la veillée. Dehors, on trafique ce qu'on a dans les mains. Plasma tombé du camion, GSX, Hermil, Armani, Vibrequin. Nique sa mère, Charlemagne, guetteur à temps plein. Qui distribue les rallyes, ça part le gérant du terrain. Tous capuchés, tous calibrés, tous recherchés. Dans la malle, y'a de quoi rembourser la dette de l'Afrique à la main. La plage n'adoucit pas ceux qui nagent dans la merde. Elle est endurcie. Les femmes de voyous te diront qu'ici, nos vies c'est Hela, Hela, Hela, Hela. Tension, rançon, stupéfiant dans le calme. Dédicace à tous les quartiers de Marseille. Saison, nos vies, c'est Hela, Hela, Hela. Quartier sud, Hela, centre-ville. Quartier populaire, chambre mortuaire. Marseille, c'est la guerre. 13, 14, 15, 16 arrondissements, ma mère. Sa mère et même sa grand-mère. Bavure policière, au pays du fromage, on rappe, on fait notre trou gruyère. Pas pour la petite fille à 500, couleur purple 500. Tout s'achète, sauf le gros cul de la douanière. Arrangement à l'amiable quand le système frappe par derrière. Où t'as vu ça? Même en raison, à quoi bon faire valoir nos droits? Les grosses têtes respectent les grosses têtes. La coque parle et bien mitraillette. S3 noir, vitre fumée. La bonne époque est loin. Qui sommes-nous? Bilaï, j'en sais rien. Rappule à l'affiche, à Porto ou à la Juve. Soit t'es pris entre, ou soit tu les trous, ces putains de filets. Viens faire un tour au bar, le diable se comporte comme les hommes. Votre carrette posée sur le bingo, la serveuse est blonde. Le soleil se lève pas à la même heure pour tout le monde. Y'a le côté carte postale et le côté tiers monde. Nos vies, c'est Hela, Hela. Dédicace à tous les quartiers de France, mamé. C'est tension, rançon, stupéfiant dans le caleçon. Corruption, GTA, dernière saison, nos vies, c'est Hela. C'est le règlement de compte du rap français. Écoute, mamé, écoute. Quartier populaire, chambre mortuaire. Marseille, c'est la guerre, c'est le Hela, c'est le Hela. Samedi, c'était les sacs de billes. Aujourd'hui, les sacs de billets, on mange avec nos gros yeux. Thug Life. On meurt jeune, tous les soirs, je demande 60 lendemains au bon Dieu. Real Life. Seul mon passé m'appartient, je ressuscite chaque matin, quartier dangereux. Bad life. Cartilage endommagé, carénage endommagé, la foi c'est précieux. Fast life. Nos vies c'est Hela, Hela, Hela, Hela. Si, si, c'est tension. Dédicace à tous ceux qui suivent Alonso, ça fait longtemps. Corruption, depuis 2002, ma amie. Nos vies c'est Hela, Hela. Ils attendent que je m'énerve depuis 2002. Quartier populaire, chambre mortuaire. Marseille c'est la guerre, c'est le Hela, c'est le Hela. Nos vies c'est Hela, Hela. Nos vies c'est Hela, nos vies c'est Hela, nos vies c'est Hela, nos vies c'est Hela. Et le capot des capis sur Skyrock. Dis-le. Marseille, à l'instant, c'est extrait de l'album Règlement de compte d'Alonso, notre invité tous les soirs de la semaine entre 20 et 21. Alonso qui sera en tournée à partir du 13 février à Nantes, à Pontoise, à Neuchâtel, pas le même jour, hein, je dis ça, c'est pas le même jour le 13 février. Tout le mois de février, avril, mai, juin. Ouais. Avec le 6 juin au Dôme à Marseille, le 23 avril à la Cigale de Paris. C'est ça. Et puis plein d'autres dates, vous allez sur les réseaux sociaux. Exactement, il y a même des dates qui arrivent. Je pense qu'on va passer aussi à La Réunion, Zino. Ah oui. Tu vois, il y a La Réunion. En mars. Ah, en mars. En mars, il y a, si Dieu veut, les Comores en juillet. Juillet. C'est en train de se préparer, donc voilà. Mayotte aussi, je crois. Voilà. Suivez l'actu d'Alonso, la belle ville, le Zin, en tour. Exactement. En tournée dans toute la France. Voilà. Pour retrouver. Explosif. Excuse-moi, je regarde l'équipe derrière. Vive, vive. Ouais, ça veut dire. Vive. Oui, alors il faut expliquer pour ceux, parce qu'on fait de la radio, donc c'est levé mais avec les deux mains. Hein. Voilà. Il veut dire vive. Ah, ça peut faire avec les coudes aussi. Voilà. Et vive nous, ça, c'est vive RDC, vive Alonso, vive le capot des capis, vive le plan d'Ao, vive les quartiers nord. Et vive l'album Règlement de compte qui est numéro 1 et qu'on supporte toute la semaine avec grand plaisir dans Planète Rap. Avant de se quitter, on fait tourner rapidement la roulette, c'est parti. Ouais. Skyrock t'offre la tournée de Black M dans toute la France. Jennifer du Plessis Trévis, comment ça va Jennifer? Ça va super et toi? Bah écoute bien, je te présente Alonso qui est là avec bonsoir, moi. Bonsoir Alonso. Bonsoir, ça va? Ça va et toi? Cool, merci. Jennifer, est-ce que tu as jeté une oreille sur l'album Règlement de compte? J'ai écouté, j'ai mes frères et sœurs qui sont à fond dedans. D'ailleurs, dédicace à eux, qui adorent Alonso. Merci. C'est un album beaucoup. Familial, tu as raison. On peut l'écouter voilà. En famille. Mon frère qui vient de la Viste en plus. Eh oui. Pardon, exactement. Tu disais, Jennifer? Mon frère qui vient de la Viste. Ah, mais on connaît ça, c'est les quartiers nord. Ah bah c'est voilà. Chez nous, c'est chez nous. Voilà. C'est à 5 minutes d'où j'ai grandi, ça, la Viste. Et bah voilà. On salue le frangin. Il s'appelle comment, Jennifer, le frangin? Mathieu. Prête à faire tourner la roulette? On y va, Jennifer. Il y a des places pour aller voir Black M. Parfait. En tournée près de chez toi. En l'occurrence à Paris, 21 ou 22 avril à l'Olympia. Oui. Et la roulette qui va s'arrêter pour toi sur la case, c'est... Et bah voilà, c'est Black M. Ouais. Deux places. Tournée de Black merci. M. Amala, Black M. C'est pour toi une grosse dédicace à Black M. Ouais. Merci qui fait beaucoup, plaisir avec son super. Album qui a tout déchiré aussi. Qu'est-ce qu'on est fiers de lui. Et tout ça, c'est bon pour le rap français, c'est important. On est voilà. Très, très fiers. C'est parfait. Et bah merci à toi, Jennifer. Merci beaucoup. Passe une bonne soirée. Bonne soirée. Ciao, Jennifer. Merci, Alonso, pour cette soirée aussi. Merci, ça cette passe deuxième vite. Cette deuxième dans Planète Rap, ça passe vite. Ça passe vite. Et demain, on sera déjà mercredi. Toujours au top. Rendez-vous exactement. Juste avant 20h, merci à Spike Miller qui était là. On a des invités. Merci à, vous. À toute l'équipe invités. Qui était là aussi. Hein. Merci ça. À vous, messieurs. Hein. Vive le plan d'Ao. Vive. Vive le plan d'Ao. Sai, Toto Nouveau. Aïe. Et Kevin. On se retrouve. Smoguito, Kevin. Vrai. On se retrouve demain. L'oseille. À pas louper juste avant 20h. Et là. Si, il est là. Si, là. Il est là, il est arrivé, c'est D-Fool. Eh oui. Ah, D-Fool, putain, D-Fool. Ah, putain. Non, là, il est arrivé, c'est bon. Là. Ça y est, on est là. Bon, ok. Vas-y, D-Fool. Peut-être demain, peut-être. On te rend l'antenne. Comme tu dis, Inch'Allah demain. Inch'Allah, on est respectueux. Voilà. La bielle. Merci à vous tous. Merci. Allez, c'est parti, D-Fool. Eh ouais, c'est parti. Pour la Radio Libre. Radio Libre jusqu'à minuit sur Skyrock. Alonso le retour demain. Bonne soirée sur Skyrock. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. La soirée va démarrer dans un instant, enfin va continuer dans un instant après Planète Rap. La Radio Libre arrive, Romano enfourne son casque avec ouais, son manteau de fourrure. Le même que dans Gigoté. Le manteau, ouais, voilà, du prince du hip-hop. Bon, t'es ouais, du hip-hop. T'es malade? Putain, tu sais que je suis en train de choper la grippe. J'ai du vervex. C'est parti. Romano, j'ai du vervex. Ouais, non, mais laisse tomber. À qui le tour? Je te fais un prix. Hein. Mais ouais. D-Fool, il veut que passer du vervex depuis tout à l'heure, depuis ce matin, gros. Je veux te faire boire du fervex. Bon, bah, bienvenue à vous. Salut Karim, salut la Marie, salut tout le monde. Salut Momo, on aura Cédric au téléphone d'ici quelques instants. Et puis Black M, que vous entendez derrière moi pour démarrer la soirée. Si on se fait du mal, vous nous appelez au 01 53 40 30 20 si vous avez besoin de nous, si vous voulez faire les cours en direct, si vous avez un truc à dire. Et l'Algérie est qualifiée. Ouais, l'Algérie est qualifiée. 1, 2, 3, vive l'Algérie. Allez, l'Algérie pour la suite de la CAN. On en reparle dans un instant en direct sur Skyrock. C'est parti. Tous les matins avec le morning de D-Fool sur Skyrock.